Chibi Master Play. Chibi Master Play. Chibi Master Play. Chibi Master Play. Chibi Master Play. Chibi Master Play. Chibi Chibi Master Play. Chibi Chibi Master Play. Chibi Master Play. Chibi Master Play. Masterprod 2011, je suis enfin prêt. C'est le moment que j'ai choisi pour débarquer. Je m'applique, je fais du concret, mon son est complet. Piano, violon, synthé, mon son fait du MP. Perfectionniste à chaque musique, je rappe électronique. 10 ans que je pratique, je suis plus catégorie novice. Le son je compose, les mélodies se juxtaposent. Mon son tu réanimes, il fait sauter les mines. Petit de speak, une warrior en moto. Petit prestige, un lanceur de couteau, mon son a trop flow. Quand je prends le mic, les temps s'arrêtent. J'ai ralenti même la planète, c'est pas net, mais c'est mon classe d'être. Mon son a trop de feu, mais je fais pas le faux. Et s'il le faut, je te parle même de mes défauts. Je rappe tout le temps, je fais partir le sale temps. Je pète, je fais les saltos, je travaille mon cardio. Mon son est hors norme, je m'instruis puis je t'informe. Mon son est hors norme, je m'instruis puis je t'informe. Mon son est hors norme, je m'instruis puis je t'informe. Mon son est hors norme, je m'instruis puis je t'informe.